Pour vos différents travaux de chauffage et de plomberie, c'est l'équipe de Plomberie Air Maurice qu'il faut consulter. Une entreprise professionnelle en affaires depuis plus de 40 ans qui saura bien vous conseiller pour vos travaux. Toute notre équipe vous souhaite une bonne année, santé, bonheur et prospérité. Ce sont les vœux de l'équipe de Plomberie Air Maurice du 277 route du 1er rang, Albanel. 418-276-2204. Une article parue sur le site internet du Nouvel Hebdo du 24 décembre me laisse un petit peu perplexe. Selon Serge Tremblay qui a écrit l'article, le projet Aquagym de Dolbeau-Mistassini serait menacé. Pour le moment, on ne sait plus où en est rendu le projet. Quoi qu'il en soit, on va parler avec le maire de Dolbeau-Mistassini, Pascal Cloutier. Salut Pascal. Bonjour. Pascal, oui, j'ai lu l'article le 24 décembre sous la plume de Serge Tremblay. Si je comprends bien, l'argent que Philippe Couillard avait promis, il n'est plus là avec le changement de gouvernement, c'est ça? Ben, en fait, là, ce qu'on sait, c'est que le projet en tant que tel, tout d'abord, était environ de 13 millions. OK. Suite à des différentes analyses qui ont été faites, entre autres sur le terrain, où il y aura cette future piscine-là, ben, on s'est aperçu là, qu'il y avait une ancienne réserve de copeaux qui était là, le copeaux écorce, là, qui probablement date de plusieurs années. Donc, ce que ça fait en sorte, c'est que ça crée un sol qui est beaucoup moins stable. Donc, en faisant des analyses, on s'est rendu compte que les gymnases en tant que telles avaient des fissures au niveau des murs. Ouais. Donc, ce que ça fait, c'est que nous, la piscine va, dans le projet, allait s'accoter, si on veut, après ce gymnase-là. Donc là, avec cette analyse-là, ben là, ce qu'on est arrivé, c'est on n'a pas le choix, il faut défaire le gymnase et en refaire un mur. Parce qu'il y a beaucoup de demandes, entre autres, là, pour l'activité au niveau du gymnase de ce secteur-là. Donc, ce que ça fait, ben ça fait un dépassement de 3 millions. Donc, la partie qui manque, là, c'est la partie du 3 millions. On a eu des discussions avec l'équipe de M. Couillard à plusieurs reprises là-dessus. Ce qu'on semblait nous dire, ben, c'est que ce 3 millions-là. Un peu avant les élections, là, l'information qu'on avait, c'est que ça allait être réglé et ça allait être financé à 100% par le gouvernement du Québec, et entre autres au niveau du MAMO, là, le ministère des Affaires municipales, l'argent est promené de là, parce qu'au niveau du ministère de loisirs et sports, ben il n'y a plus d'argent. Okay. Mais sauf qu'il est arrivé les élections, puis là, on est comme d'un trou noir, si on veut, là, on ne sait plus trop. L'information qu'on avait à ce moment-là ne serait comme... En tout cas, on ne sait plus vraiment si c'est valide. Donc, il y a des discussions là-dessus, mais évidemment, là, c'est préoccupant de ce côté-là pour ce 3 millions-là. Mais nous, notre optique, c'est vraiment de réaliser le projet comme prévu. OK. Est-ce que vous avez eu des discussions avec Nancy Guillemette? Oui, Nancy Guillemette, on a eu des discussions bien au fait du dossier. Entre autres, quand il y a eu des élections, quand il était peut-être la campagne... de la campagne provinciale, entre autres, il y a différentes personnes qui m'ont rencontré, entre autres Nancy, et bien au fait du dossier, on en a rediscuté hier encore. Et là, il faut travailler vraiment là, pour vraiment trouver cette solution-là, puis d'aller chercher ce 3 millions-là, parce que c'est sûr, vous comprenez que nous, la municipalité, on n'est pas capable là, d'absorber 3 millions de supplémentaires dans ce projet-là. Donc, qu'est-ce qui va arriver à partir de ce moment-là? Est-ce que là, le projet pourrait être revu à la baisse? Parce que certains me disent que c'était comme la Cadillac que vous aviez comme projet. Là. Est-ce qu'on peut revoir un petit peu un projet plus bas? Parce que là, en tout et rien à voir, s'il y a peut-être un milieu? En fait, le projet, il a déjà été revisé. Là. On a déjà fait beaucoup de... On pense vraiment que ce qu'on présente là, c'est vraiment un minimum. Là. Parce qu'en même temps, oui, c'est beau de couper un projet, mais il ne faut pas arriver non plus avec un projet qui ne répond pas aux attentes et à ce que les gens s'attendent de ce complexe-là. Là. Donc, je comprends ça, mais en même temps, il faut y aller avec un projet qui a du sens. Ouais. Puis, nous, on estime, là, puis si on regarde les projets de piscine qui se font partout, là, ben, à 16 millions, là, inclus le... Parce qu'il y a beaucoup de projets qui sont autour de 20 millions, des piscines olympiques. Nous, à un moment donné, on avait l'option d'avoir un plongeon de 3 mètres, on l'a enlevé. Okay. Donc, ça a coupé beaucoup les coûts. Donc, oui, on a épuré le bassin, mais à un moment donné, il y a comme un minimum. Puis, pour nous, le minimum, là, ben, c'est ce projet-là. OK. Dis-moi maintenant, parce que j'avais fait l'entrevue avant les fêtes, on s'était vu, je ne me rappelle plus dans quel contexte. Je pense que c'est la grande marche, puis je t'avais posé la question, plus projet retard, plus il y a 5, plus ça augmente de 5%. Tu m'avais dit, c'est un projet que clé en main, donc le dépassement de coût, si ça retarde, le prix reste le même. Là, maintenant, avec le 3 millions supplémentaires, il arrive quoi? Ben, c'est-à-dire que nous, là, les soumissions sont pas encore ouvertes, là. OK. OK, nous, les soumissions vont s'ouvrir aux alentours de la mi-janvier. Là, à ce moment-là, on va prendre connaissance des soumissions parce que c'est comme un projet clé en main. Que nous, ce qu'on veut, c'est respecter là le soumissionnaire qui sera là, qui sera choisi à ce moment-là. Puis, mais c'est sûr que si ça retarde de plusieurs mois, parce qu'on n'a pas de réponse ou on essaie ou ce 3 millions n'est pas réglé, ben là c'est sûr qu'il pourrait y avoir des indexations au niveau du projet, là. Mais là on n'est pas là présentement. Là. Okay. Là, on est vraiment là après aujourd'hui là, ce qu'on sait, les soumissions sont pas encore ouvertes. Ils vont être ouvertes, puis à ce moment-là, on regardera qui sera le plus bas, ben, le soumissionnaire qui sera conforme au devis qu'on établit, puis à ce moment-là, ben, on espère là, pouvoir régler ça là, d'ici au printemps. Là. OK. Dis-moi, si on parlait un peu justement du côté, la firme que vous aviez engagée pour trouver des fonds dans oui. Où s'en est rendu? Est-ce qu'il a commencé à travailler cette firme-là? Parce que semble-t-il qu'il n'y avait pas de problème. Il y a déjà 2 millions que tu trouves dans la population. Là. Est-ce que ça, c'était. Est-ce que ça, cette firme-là a commencé à travailler? Oui, oui, oui. Ben nous, dans ce dossier-là, entre autres, fallait la firme, le mandat était accordé à la firme, et là, ça devrait commencer. Là, ce qu'on avait dit, c'est qu'en 2019, là, en début d'année, on allait vraiment tomber dans cette campagne de financement-là avec la firme BMP Performance. Puis ça, ben c'est réglé. Puis il y a un montant qui était accordé, entre autres, pour ça. Donc ça, là, on devrait en entendre parler là, dans les prochaines semaines. Est-ce que cette firme, là, va aller chercher de l'argent à l'extérieur? Parce que me semble qu'avoir 2 millions dans le code. Écoute, les marchands sont extrêmement sollicités. Je suis là-dedans aussi. Puis tu sais, Pascal, comme moi. Est-ce que cette firme-là va aller chercher également de l'argent à l'extérieur? Comme des Hydro-Québec, des gens qui font affaire, mais qui vont pas, qui donnent jamais. Est-ce que ça pourrait être intéressant? Ils vont être approchés, ça? Oh oui, nous, la firme en tant que telle là, a des contacts, là, des réseaux de contacts, puis c'est pas seulement dans le milieu, ça c'est clair. Okay. On parle d'aller chercher à peu près entre 1 et 1,5 million là, au niveau de cette campagne-là, où ça, eux, selon l'étude qui était faite, sont bien positifs. Je pense vraiment que c'est un projet d'ailleurs qui est très populaire au niveau de la population. Mais oui, on devrait, oui, c'est sûr que l'argent pourrait sera pas milieu, mais va aller effectivement à l'extérieur. Là. Donc, c'est pour ça qu'on a pris cette firme-là aussi, c'est parce qu'elle est spécialisée là-dedans. On a vérifié aussi ce qui avait été réalisé ailleurs, puis on voit qu'il y a vraiment, ils ont vraiment là, beaucoup de contacts, puis c'est pour ça qu'on est. Parce qu'une campagne de financement d'un million, 1,5 million, là, je peux vous dire que c'est travaillé. Là. Donc, avec une firme comme ça, là, ça va nous aider beaucoup. Pascal, il me reste une question, je veux parler. Moi, j'écoute, c'est plus un dossier personnel. Les Jeux du Québec, j'en avais parlé. Est-ce que ça pourrait être une alternative de présenter sa candidature pour aller chercher des fonds? Parce que moi, ce qu'on m'a dit à Alma, le centre Mario Tremblay aurait jamais vu le jour le nouveau centre Mario Tremblay s'il n'y aurait pas eu les Jeux du Québec. On aurait eu beaucoup de misère. Est-ce que ça, c'est une possibilité qu'on peut relancer? En fait, les Jeux du Québec, là, on en a parlé. Devrait y avoir là, une rencontre qui va se faire dans les prochaines semaines. Maintenant, est-ce que ça peut aider dans le dossier? Ben, sauf que je suis pas capable de vous répondre parce que l'information par rapport à Alma, je ne l'ai pas. Là. Est-ce que effectivement ça a aidé? Je ne sais pas. Mais à ce moment-là, ben, on verra. Là, mais okay. Si ça l'aide, ben, c'est sûr que ça pourrait être quelque chose qui pourrait être regardé. OK. Ben, Pascal, on va surveiller le dossier de très, très près et au plaisir de se reparler. Parfait, bonjour. Le maire de Debout-Mississigny, Pascal Cloutier.